21, 26, activation orale, savoir et infinitif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Je vais vous apprendre à jouer aux échecs. Et vous dites. Il y a longtemps que je sais jouer aux échecs. Allons-y. 2. Nous allons lui apprendre à écrire. Il y a longtemps qu'il sait écrire. 3. Nous allons lui apprendre à nager. Il y a longtemps qu'il sait nager. 4. Je vais vous apprendre à faire des explosifs. Il y a longtemps que je sais faire des explosifs. 5. Je vais leur apprendre à conduire. Il y a longtemps qu'ils savent conduire. 6. Mireille va t'apprendre à danser. Mais il y a longtemps que je sais danser. 7. Robert va t'apprendre à faire de la planche à voile. Oh ben, il y a longtemps que je sais faire de la planche à voile.